La maison du jugement. Oscar Wilde. Le portrait de Monsieur W.H. Et le silence régnait dans la maison du jugement, et l'homme parut nu devant Dieu. Et Dieu ouvrit le livre de la vie de l'homme. Et Dieu dit à l'homme, « Ta vie a été mauvaise, et tu t'es montré cruel envers ceux qui avaient besoin de secours. » Et envers ceux qui étaient dénués d'appui. Tu as été rude et dur de cœur. Le pauvre t'a appelé, et tu ne l'as pas entendu, et tes oreilles ont été fermées aux cris de l'homme affligé. Tu t'es emparé pour ton propre usage de l'héritage de l'orphelin, et tu as envoyé les renards dans la vigne du champ de ton voisin. Tu as pris le pain des enfants, et tu l'as donné à manger aux chiens, et mes lépreux qui vivaient dans les marécages et qui me louaient, tu les as pourchassés sur les grandes routes, sur ma terre, cette terre dont je t'avais formé, et tu as versé le sang innocent. » Et l'homme répondit et dit cela, « J'ai également fait cela. » Et derechef, Dieu ouvrit le livre de la vie de l'homme. Et Dieu dit à l'homme, « Ta vie a été mauvaise, et tu as caché la beauté que j'ai montrée, et le bien que j'ai caché, tu l'as négligé. Les murailles de ta chambre étaient d'images peintes, et de ton lit d'abomination, tu te levais au son des flûtes. Tu as bâti cet autel au péché que j'ai souffert, et tu as mangé ce que l'on ne doit pas manger. » Et la pourpre de tes vêtements était brodée de trois signes de honte. Tes idoles n'étaient ni d'or ni d'argent qui subsistent, mais de chair qui périt. Tu baignais leurs chevelures de parfum, et tu mettais des grenades dans leurs mains. Tu oignais leurs pieds de safran, et tu déployais des tapis devant eux. Avec de l'antimoine, tu peignais leurs paupières, et avec la myrrhe, tu enduisais leur corps. Devant elles, tu t'es incliné jusqu'à terre, et les trônes de tes idoles se sont élevés au soleil. Tu as montré au soleil ta honte, et à la lune ta folie. » Et l'homme répondit et dit, « J'ai également fait cela. » Et pour la troisième fois, Dieu ouvrit le livre de la vie de l'homme, et Dieu dit à l'homme, ta vie a été mauvaise, et avec le mal tu as payé le bien, et avec l'imposture la bonté. Tu as blessé les mains qui t'ont nourri, et tu as méprisé les seins qui t'avaient donné leur lait. Celui qui vint à toi avec de l'eau est parti altéré, et les hommes hors la loi qui t'ont caché dans leur tente la nuit, tu les as livrés avant l'aube. Tu as tendu une embuscade à ton ennemi qui t'avait épargné, et l'ami qui marchait avec toi, tu l'as vendu pour de l'argent. Et à ceux qui t'ont apporté l'amour, tu as en échange donné la luxure. » Et l'homme répondit et dit, « J'ai également fait cela. » Et Dieu ferma le livre de la vie de l'homme et dit, « Vraiment, je devrais t'envoyer en enfer. C'est en enfer que je dois t'envoyer. » Et l'homme s'écria, « Tu ne le peux pas. » Et Dieu dit à l'homme, « Pourquoi ne puis-je t'envoyer en enfer et pour quelle raison ?»« Parce que j'ai toujours vécu en enfer, » répondit l'homme. Et le silence régna dans la maison du jugement. Et après un moment, Dieu parla et dit à l'homme, « Puisque je ne puis t'envoyer en enfer, vraiment je t'enverrai au ciel. C'est au ciel que je t'enverrai. » Et l'homme s'écria, « Tu ne le peux pas. » Et Dieu dit à l'homme, « Pourquoi ne puis-je t'envoyer au ciel et pour quelle raison ?»« Parce que jamais et nulle part, je n'ai pu m'imaginer un ciel. » répliqua l'homme, et le silence régna dans la maison du jugement.